إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Nous sommes le 20 شوال 1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 10 octobre 2009. Donc, on est, Inch'Allah Ta'ala, de nouveau avec notre livre, notre fameux livre, fabuleux livre, Al-Aqida Al-Wasitiya, de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Sharh Al-Allama Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullahi azza wa jal. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans le deuxième tome et dernier tome. Et aujourd'hui, bi'idna azzawajal, nous sommes au 43, yani cours numéro 43. Avant de commencer le cours, je voudrais faire une petite remarque, c'est que je dis aux admins, si jamais vous ne m'entendez pas bien, ou bien yani, les mots yani, ne viennent pas yani, au moment voulu, il y a un retard ou là, il faut me le dire parce que je suis en train de télécharger le Messenger. Donc, comme la connexion chez moi est très faible, donc ça risque de jouer sur la RAM. Ça risque de, quand je parle, yani, peut-être il y a des coupures, etc. Taïb. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, chapitre Fi tariqati ahli sunnati al-amaliya. Fi tariqati ahli sunnati al-amaliya. Je commence d'abord par ce qu'a dit Cheikh l'Islam, ensuite ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah quand il explique. Donc Cheikh l'Islam alayhi rahmatullah a dit: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Voilà ce que on va expliquer بإذن عز وجل. طيب. L'auteur, يعني l'auteur c'est Ibn Taymiyyah عليه رحمة الله, a dit: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة تباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله دي لما فرغ المؤلف مما يريد نعم مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في ذكر طريقتهم العملية. Le Cheikh, rahmatullah, a dit, lorsque l'auteur c'est Ibn Taymiyyah, lorsque l'auteur a terminé de parler en ce qui concerne le dogme de Al-Sunnah ou le Jama'a, des gens de la Sunnah et du consensus, il a commencé à parler du comportement, disons, de Al-Sunnah ou le Jama'a dans les actes. C'est-à-dire maintenant, il ne va plus parler de la Aqidah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, mais il va parler des actions, de ce que font Al-Sunna ou le Jama'a comme acte et action, et c'est terminé avec la Aqida, car, yani, alhamdoulilah, on a passé plus de 630 pages seulement dans le deuxième tome à parler de la aqida. طيب, il a dit قوله اتباع الآثار. Il a dit, lorsque Cheikh l'Islam rahmatullah a dit que rentre dans le comportement des gens de la sunna le fait de suivre les traces du prophète alayhi salatu salam en ce qui est caché et en ce qui est apparent. Alors, lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, lorsqu'il a dit, rentre dans le comportement des gens de la sunna de suivre les traces. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, suivre les traces, il n'y a pas de suivi sans science. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, la tiba'a illa bi'ilm. Il n'y a pas de suivi sans science. Idan, fahum harisuna ala talab al-ilm. Il a dit, il est impossible que quelqu'un puisse suivre les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ait de la science. Il a dit donc, les sunna ou jama'a sont soucieux de la quête de la science. Pourquoi? Liya'rifu athar al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam thumma yatba'unaha. Pourquoi les gens de sunna ou jama'a sont soucieux de la quête de la science? Pourquoi? Pour connaître les traces, ça veut dire les sunan, les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir la suivre. Car c'est impossible que quelqu'un puisse connaître les sunnas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans demander de la science. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, par exemple, en dormant, il va dormir toute la nuit, il va se relever le matin, il va dire Masha'Allah, j'ai appris Masha'Allah comme sunnah, yani dans le rêve. Ça, par exemple, c'est qui? C'est la méthode des soufis. Naam, ils disent que mon cœur m'a rapporté des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas besoin de rapporteur. Et ils critiquent les gens de la sunna. Ils disent, vous vous dites, X a rapporté de X, X a rapporté de Y, Y a rapporté de Z, pour arriver au messager d'Allah. Mais nous, directement, notre cœur nous rapporte des choses d'Allah ta'ala, direct, en direct. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Et ils ne savent pas que c'est le shaitan qui le rapporte et non pas un ange et encore moins Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, ça me rappelle le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique qui dit innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Comme ça a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit innama al-ilmu bit-ta'allum. Il a dit la science, certes, yani, elle vient, c'est-à-dire la science, elle vient en apprenant. Il est impossible que quelqu'un qui n'apprenne pas devienne savant. Comme j'ai dit tout à l'heure, à moins que ce soit un soufi qui prétende que Allah Ta'ala lui a donné la science. Alors que s'il avait la science, il aurait au moins ce hadith. Comment peut-il avoir de la science alors qu'il contredit le hadith du messager d'Allah qui dit que la science ne vient qu'en la demandant. C'est pour cela donc que vous remarquez que Sunna ou Jama'a, la chose, l'une des choses la plus importante chez eux, c'est quoi? C'est demander de la science. Naam, c'est très très important chez quelqu'un qui prétend ou là, se proclame de Al-Sunnah al-Jama'a. C'est pour ça que si quelqu'un dit je suis Al-Sunnah al-Jama'a, ensuite il ne demande pas la science, ou alors du moins il n'aime pas les gens de la science, il ne peut pas être de Al-Sunnah al-Jama'a, même si c'est lui qui crie tout fort qu'il est de Al-Sunnah al-Jama'a. Car dire que je suis de Al-Sunnah al-Jama'a, c'est très facile. Qui ne peut pas le dire? D'ailleurs, toutes les sectes, si vous avez remarqué, égarées, connaissent maintenant que pour ruser les gens et les duper, et pour pouvoir arriver à leur cœur, ils emploient quoi? Ils emploient le mot Al-Sunnah al-Jama'a. Ils emploient le mot Salaf. Regarde maintenant, si tu vas dans les rooms, tu vas voir, tu vas lire qu'il y a un salon qui s'appelle, par exemple, sur la trace des salafs, ou bien la aqida des salafs, quelque chose comme ça. Alors que c'est un salon de takfir, qui n'a rien à voir avec les salafs, qui va à l'encontre de ce que disent les salafs. Pourquoi ils emploient le salaf? Le tawhid, comme l'ont compris les salafs. Non, pourquoi ils emploient le salaf? Pour que tu dises puisque c'est salaf, donc c'est un sunna ou jama'a, c'est mashallah, alors qu'ils veulent te tromper. Surtout, surtout, ceux qui emploient beaucoup ce un sunna ou jama'a, c'est qui? Ce sont les ahbash. Les ahbash, pour faire tromper, ils disent ahl sunna ou jama'a. Alors que si ahl sunna ou jama'a sont dans l'est, eux ils sont dans l'ouest, ils sont vraiment loin. Al-Muhim, Cheikh bin Outhaymin rahmou a dit ahl sunna, ahl sunna ou jama'a, les vrais, comment tu les reconnais? Ils cherchent la science, la vraie science, basée sur le Coran, la vraie sunna, et les deux, Coran et sunna, compris par qui? Compris d'après, il y a la compréhension des pieux prédécesseurs. طيب il a dit ثم يتبعونها ثم اعيد ليعرفوا اثار الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتبعونها او يتبعونها فهم يتبعون اثار الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a dit les gens de la sunna, el sunna al jamaa, suivent les traces du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans la aqida, dans l'adoration, في العباده, والاخلاق, dans le comportement, والدعوه الى الله عز وجل, et aussi dans le fait de faire la prédication aux gens et les inviter et les exhorter à suivre l'islam. Il a dit yad'una ibadallahi ila shari'atihi fi kulli munasaba. Il a dit les gens de Ahl Sunna wal Jamaa, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent et exhortent les gens à l'islam dans chaque circonstance. Wa kullama iqtadat al-hikmatu an yad'u ila Allah da'u ila Allah. Il a dit à chaque fois que ils ont la possibilité de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, ils profitent de l'occasion et font la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme un peu comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Il a dit par exemple, je donne un exemple très simple. On est dans une assise. Il y a quelqu'un par exemple qui a bu avec la main gauche. Non? Si on lui montre que la sunna c'est de boire avec la main droite et que c'est Shaitan qui boit avec la main gauche, on lui montre avec sagesse, bien sûr, et gentillesse et douceur, ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait? On a fait da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train d'exhorter les gens à suivre l'islam, à suivre la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des récompenses si on fait fi sabilillah, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ou là, comme je l'ai dit dans plusieurs doros, il y a des manières, yani, comment parler, pour ne pas brusquer les gens, pour ne pas, yani, le vexer, pour ne pas le faire rougir, pour ne pas yani, qu'ils ressentent yani, du... Comment on dit yani, pour qu'ils ne soient pas vexés contre toi. Il y a des façons comment montrer, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on les corrige devant les autres. Surtout si celui qui corrige est plus jeune. Il a 20 ans et l'autre a 60 ans. Et tu lui dis, yani, il ne faut pas boire avec la gauche. Sûrement que ça va lui faire un peu mal. C'est pour ça que Al-Muhim quoi? Al-Muhim, savoir comment yani, exhorter Allah Azza wa Jal et ne pas louper les occasions. Savoir choisir les occasions pour ne pas les, et ne pas les louper. Il a dit ici, وَلَكِنَّهُمْ il a dit, Al-Sunna al-Jama'a, certes, font la da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَخْبَطُونَ خَبْطَ عَشْوَى إِنَّمَا يَدْعُونَ بِالْحِكْمَةِ. Il a dit, si les gens de la Sunna et de la Jama'a font la prédication à l'islam, il a dit, mais attention, yad'ouna bil hikma, mais ils font cela avec sagesse, avec hikma. Ils ne brusquent pas les gens, ils ne vexent pas les gens, mais doucement, doucement avec hikma. Il a dit, walakinhum la yakhbatuna khabta ashwa. Ils ne font pas la da'wa aveuglément. Aveuglément. Il dit n'importe, yani, il dit tout ce qu'il connaît, il le dit. Il dit, je m'en fous. Naam, al-muhim, c'est un hadith authentique, moi je le dis. Naam, sans essayer de savoir, là, qu'est-ce que ça va donner si je parle maintenant ou je me tais. Naam, il y a des moments où lorsque tu tais, c'est mieux pour toi et pour la da'wa. Il y a des moments où lorsque tu parles, c'est mieux. Naam, donc, ce n'est pas tout ce que on sait, on va le dire. Naam, c'est pas tout ce que je sais, je vais le dire. Mais il y a des gens auxquels je vais dire des choses, et d'autres gens auxquels je ne vais pas dire la même chose. La même chose que j'ai dit à certains, je ne vais pas la dire à d'autres. Cela dépend des gens, cela dépend des âges, cela dépend des moments, cela dépend des circonstances. Et comme ça, il a dit, Sunnah al-Jama'a, ils tabi'ouna athar al-Rasouli sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent les traces du messager d'Allah alayhi wa sallam, fil akhlaq, dans le bon comportement, dans le comportement, akhlaq al-Hamida, le bon comportement, fi mu'amalati an-nas bil-lutfi wal-lin, par le fait aussi que, avec les gens, ils font la da'wa avec douceur, avec douceur. Et il a dit ce qu'ils ont aussi de particularité, ces gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, ils donnent à chaque personne son propre statut. Naam. Est-ce que toi, quand tu fais la da'wa, par exemple, à ton frère, c'est comme si tu la faisais à ton père? Ce n'est pas la même chose. Avec ton frère, il y a une façon de parler, avec ton père, il y en a une autre. Est-ce que quand tu fais la da'wa à, par exemple, un homme, à quelqu'un de simple, simple, qui marche dans la rue, est-ce que c'est la même chose que quand tu fais la da'wa au président de la République? Si tu rencontres, jamais tu as l'occasion de rencontrer le président de la République, est-ce que tu lui parles comme si tu parlais avec quelqu'un dans la rue? C'est pas possible et c'est pas logique aussi. Parce qu'il faut mettre chaque personne à sa place et lui donner son statut personnel. Son statut personnel. Naam. Il a dit, يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله. Les gens de la Sunna suivent aussi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son comportement avec sa famille. Avec sa famille. فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهلهم. Il a dit, c'est pour ça que tu trouves les gens de la Sunna très soucieux à ce qu'ils soient les meilleurs gens avec leur famille, les meilleurs gens avec leurs épouses, avec leurs enfants. Les annabiyya sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tout cela? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa famille. Et moi, je suis le meilleur pour ma famille. Hadith authentique, rapporté par Tirmidhi ou Darimi ou Ibn Majah. Naam. Et hadith se trouvant dans Sahih al-Jama. Donc, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. Wa nahnu la nastati'u an nahsura athar al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة نعم نقول في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل شيخ بن عثيمين رحمه الله on peut pas يعني on peut pas maintenant si je puis dire compter et regrouper toute la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mais il a dit on va dire en général d'une façon générale que dans la aqida, dans le dogme, dans l'adoration, dans le comportement et dans la prédication, dans la da'wa, il a dit, les gens de la sunna n'ont, non, ni une dureté, ils ne sont pas durs, ni un laisser-aller. Mais, il a dit, ils cherchent toujours ce qui est le meilleur. Vous voyez, al-sunna al-jama'a, ils sont toujours au milieu. Ils ne sont pas connus comme quoi ils sont durs. Parce que si vous avez remarqué, c'est comme ça que disent les gens de nous maintenant. Ils disent, ceux-là, ce sont les salafis, attention, hein, ils sont vraiment très durs. Tout est haram, tout. Haram, haram, haram, haram, bid'a, bid'a, bid'a, attention. Il ne faut pas les suivre, ceux-là. Non. Et, il y en a d'autres qui sont comment? Qui ont un laisser-aller au point où tout est permis, tout est yajuz. Non. Un laisser-aller, il a dit, mais les gens de la sunna sont au milieu. Ils suivent le meilleur. Ensuite, il a dit, وَرُبَّمَا يَشْتَغِلُونَ عَنِ الْعِبَادَةِ بِمُعَامَلَةِ الْخَلْقِ لِلْمَصْلَحَ. Il a dit, et ça arrive, il est possible, ça arrive aux gens de la sunna qu'ils soient, des fois, tellement occupés par les gens, à servir les gens, par exemple, qu'ils ratent certaines adorations surérogatoires pour les rattraper après. Il a dit, بمعاملة الخلق للمصلحة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها فيما بعد. Donc les gens sunna ou jama'a, ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils aiment faire la da'wa aux gens, et tellement ils sont occupés à servir les gens, qu'il leur arrive qu'ils ratent certaines adorations qui ne sont pas obligatoires, qui sont juste surrogatoires, nafila, et ensuite pour les rattraper après. Cheikh Lahmou, Cheikh Ibn Uthaymin, n'a pas donné d'exemple ici. Je vais donner, Inch'Allah Ta'ala, un exemple qui vous fera comprendre ce que ça veut dire rater quelques adorations surérogatoires pour les rattraper après. Il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans plusieurs livres. Entre autres, vous allez le trouver dans Sahih Abi Daoud de Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, sous le numéro 1273, où il est dit que Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum avait un serviteur, un domestique, disons, qui s'appelait Quraib, très connu. Quraib radiallahu ta'ala anhum, un jour, des compagnons lui ont dit, ils lui ont dit, écoute, tu vas chez notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Tu lui passes le salam de notre part. Et tu lui dis, il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il n'y a pas de prière après salat al-asr. Alors que toi, Aïcha radiallahu ta'ala, toi notre mère, tu fais 2 rak'at après salat al-asr. Alors, explique-nous, on n'a pas compris. Lorsque Quraib radiallahu ta'ala est allé chez Aïcha, et lui a dit salam alayki, ensuite il lui a dit, les compagnons te passent le salam, et ils te disent, voilà, il y a un hadith qui dit, il n'y a pas de salat après l'asr, mais toi, tu fais 2 rak'at après salat l'asr. Qu'est-ce qu'elle a dit, radiallahu ta'ala anha? Elle a dit, consultez à ce sujet, salama. Et elle les a envoyés vers une autre épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle salama. Lorsque Quraib, est revenu vers les compagnons, il leur a raconté ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, va faire la même chose avec Salama. Va chez elle, passe-lui le salam de notre part et raconte-lui l'histoire. Lorsque Quraib est allé chez Salama, radiallahu ta'ala anha, il lui a dit, voilà et voilà. Elle a répondu, elle lui a dit, c'est vrai, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré une fois après Salat al-Asr chez moi. Il y avait des femmes qui étaient invitées chez moi, des Ansar de Médine. Elles étaient chez moi. Et j'ai envoyé, disons, si je puis dire, la domestique, une fille, je l'ai envoyée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre chambre qui était en train de prier. Et je lui ai dit, à la fille, la petite fille, je lui ai dit, écoute, va te mettre devant le messager d'Allah, alayhi wa sallam, debout, qui est en train de faire la prière. Et dis-lui, salama, c'est-à-dire ton épouse, te demande qu'en est-il des 2 rak'at après salat al-asr, dont tu as dit qu'il ne fallait pas les faire. Ensuite, elle a dit à cette petite fille, elle lui a dit, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te fait un signe comme ça avec sa main, yani recule-toi et attends jusqu'à ce qu'il termine la salat. Alors la fille, la petite fille, est allée devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la prière. Elle s'est mise comme ça, s'est approchée de lui, il était debout. Elle lui a dit, salama, te demande qu'en est-il des 2 rak'at que tu as dit, il était interdit de les faire après l'asr, alors que toi tu les as faites. Alors le messager d'Allah lui a fait comme ça un signe de sa main. Ça veut dire, yani, recule un peu et attends. Lorsqu'il a terminé la salat, il lui a dit, voilà, en fait, les 2 rak'at que j'ai fait après salat al-Asr, ce sont les 2 rak'at qu'on fait en général après salat al-Dhuhr. Ça rentre dans les 12 rawatib. Mais il y a des gens qui sont venus d'un certain endroit et qui sont rentrés nouvellement dans l'islam, alors ils m'ont retenu. Ils m'ont retenu du dhuhr jusqu'au asr. Alors c'est pour cela que quand j'ai fait salat al-asr, j'ai refait ces deux rak'at, c'est-à-dire je les ai rattrapés. Al-Muhim, qu'est-ce qu'on peut soustraire, si je puis dire, de ce hadith? Beaucoup de choses. La première qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que il est permis pour quelqu'un qui a raté les deux rak'at, par exemple, après salat al-dhuhr, il est permis qu'il les rattrape après salat al-asr. Exactement comme a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. C'est pour ça que les savants disent, si quelqu'un, par exemple, a raté les deux rak'at, ou bien les quatre rak'at qu'on fait avant salat al-dhuhr. Non, une personne a l'habitude de faire 12 rak'at tous les jours. Les 12 rak'at que vous connaissez, qu'on appelle rawatib. Ensuite, aujourd'hui, elle a raté les 4 rak'at qui sont avant le dhuhr. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les rattrape après salat al-dhuhr. Elle fait salat al-dhuhr. Quand elle termine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle fait 2, ensuite 2, ensuite 2 autres. Les 2 autres, c'est quoi? Ce sont les 2 qui viennent après salat al-dhuhr. Donc, elle a rattrapé les 4 d'avant dhuhr et elle a ajouté les 2 autres qui viennent après dhuhr. Si quelqu'un a raté les 2 prières qui viennent après dhuhr, il a été retenu. Il les fait après l'asr, comme a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un rate les 2 rak'at qui sont après le maghrib, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait après salat al-isha. Il les fait après salat al-isha, il les rattrape. Comme ça, on dit les savants. Qu'est-ce qu'on peut encore, yani, disons, yani, soustraire de ce hadith bi-idhnillahi ta'ala? On peut, yani, comme intérêt, yani, on peut faire sortir l'intérêt de quand Kouraïb est allé parler à Aïcha, il lui a demandé une question. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, consulte Oum Salama. Regardez quoi? Regardez la modestie. Regardez comment il n'y a pas de jalousie en ce sens. Et elle aurait pu yani, répondre elle, ou bien yani, dire je ne connais pas la réponse, mais ne pas les diriger, ne pas diriger Kouraïb et les autres vers qui? Vers Oum Salama, si elle était vraiment jalouse. Mais regardez la modestie, Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il l'a laissée à l'âge de 18 ans. Et quand elle est morte, elle en avait 65. Regardez, elle est restée de 18 ans jusqu'à 65 ans sans se marier, sans être, subhanallah, approchée par un homme. Regardez, là, la patience, l'endurance, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, la femme la plus savante en ce qui concerne les femmes. Non. Aucune femme dans le monde n'a la science qu'elle avait, radiallahu ta'ala anha. Que ce soit dans le hadith, que ce soit en arabe, que ce soit dans la poésie, que ce soit où vous voulez, non, dans les sciences, sirah, tarikh, où vous voulez. Non, la femme la plus savante, alors que elle n'a vécu avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que combien? Que 9 ans. 9 ans, en 9 ans, regardez ce qu'elle a appris, radiyallahu ta'ala anha. Al-Muhim, qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend de ce hadith aussi qu'il est permis donc d'approcher quelqu'un qui est en train de faire de la prière. Surtout s'il est en train de faire une nafila. De l'approcher et de se mettre devant lui, ou là à sa droite, ou là à sa gauche, et de lui parler. De lui dire, écoute par exemple, où sont les clés de la voiture? Ou bien écoute, je vais sortir, n'oublie pas d'éteindre le gaz. Ou bien écoute, ceci et cela. Il y a X qui te demande devant la porte. Et comme ça, ce n'est pas interdit. Car vous avez vu comment la domestique, Kani, s'est approchée du messager d'Allah et lui a parlé. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend ce hadith. Lorsque le messager d'Allah, la fille lui a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait comme ça un signe de sa main. Donc il est possible, dans la salate, de faire un signe de la main. C'est comme si quelqu'un, dans la salate, me dit où sont les clés de la voiture. Et je fais un signe comme ça vers la droite. Ça veut dire qu'ils sont là-bas, sur la table, ou bien vers la gauche, ou bien comme ça. Et vous connaissez d'ailleurs le hadith de Bukhari. Naam, le hadith qu'on a cité, où Asma était en train, ou Aïcha était en train de faire de la salat, radiyallahu ta'ala, et Asma lui a demandé, elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de gens dans la rue groupés autour de la maison du messager de là. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré comme ça, elle a levé sa tête vers le ciel, vers le ciel. Ça veut dire, yani, regarde ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était yani, l'éclipse, quelque chose comme ça. Alors, Esma lui a dit, ah, tu parles de l'aya, tu parles du signe qui a eu lieu aujourd'hui. Et Aïcha, dans la salat, a hoché la tête du haut vers le bas. Ça veut dire, oui, naam, je parle de ça. Tout en faisant la salat, subhanallah al-azim. Donc, on prend aussi cet intérêt. Qu'est-ce qu'on prend, on prend aussi comme intérêt? On prend aussi comme intérêt que. Qu'est-ce qu'on prend? Bon, on prend aussi que. Umm Salama, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'elle racontait, elle a dit. Une fois, le messager d'Allah est rentré après Salat al-Asr et il y avait un groupe de femmes de Médine, des Médinoises, Ansariyat, qui étaient chez moi. Donc, on prend de là qu'il est possible à des femmes d'aller visiter une autre femme si son mari est dans la maison. Si son mari est dans la maison. Car les femmes qui étaient ici, dans la maison d'Umm Salama, étaient. Alors que le messager d'Allah lui-même était présent. Il n'était pas ensemble dans la même chambre. Lui, il était dans une autre chambre en train de faire la salat. Mais le mohim, ils étaient tous dans une même maison. C'est-à-dire, c'est pas comme maintenant une femme, elle ne va pas dire, je vais pas chez mon ami Y parce que son mari est là. Si son mari est là, il n'y a pas de problème. Le mohim, il n'est pas avec toi dans la même pièce. Il est dans le salon, en train de lire ou là, de voir la télé, ou là, il n'a rien à voir avec toi. Naam. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend, attendez, un tfakar. Naam, on prend que. Naam, on prend que. Vous avez remarqué comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laisse les deux rak'at qui sont après salatullah, qui sont très importantes, qui rentrent dans les rawatib. Les rawatib qu'il ne faut pas laisser. Comme a dit le messager d'Allah, quiconque les fait, yani quotidiennement, quiconque fait quotidiennement 12 rak'at, Allah lui construit yani une maison dans le paradis. Il faut que ça soit quotidien. Sauf, bien sûr, si on est malade ou là, on est en voyage ou là. D'ailleurs, regardez, même, elles sont tellement importantes qu'on les rattrape. Qu'on peut les rattraper même après Salat al-Asr. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend que il est de la sunna de commencer avec les problèmes des gens avant de faire les adorations nafila. Pourquoi? Parce que la nafila, c'est entre toi et Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, c'est le tout pardonneur, le grand pardonneur. Donc, tu n'as pas fait un péché si tu ne l'as pas fait. Ensuite, si tu ne l'as pas fait, Allah Ta'ala sait que tu ne l'as pas fait parce que, à cause de Y, X et Y, des excuses. Mais les gens, si jamais ils ont besoin de toi et tu leur fais pas ce qu'ils veulent, dans la mesure du possible, bien sûr, ils vont être vexés. Et ils vont dire, surtout si tu es connu pour la da'wa ou un savant, ils vont dire, c'est ça l'islam, subhanallah, il m'a laissé traîner une heure devant la porte, je ne sais pas ce qu'il faisait chez lui. Alors que toi, peut-être tu faisais les nafilas. Il faut commencer par les gens. La nafila, tu as le temps de la faire. Et si tu la fais pas, tu n'as pas fait un péché. Et Allah Ta'ala, c'est pourquoi tu ne l'as pas faite aussi. Il peut te donner les récompenses sans la faire, juste pour ta niya, ta bonne niya. Mais les gens ne pardonnent pas. Allah pardonne et les gens ne pardonnent pas. C'est pour cela que il faut, quand c'est seulement surérogatoire, il faut commencer par les gens. Surtout, surtout, surtout, si ce sont des proches. Surtout, surtout, si ce sont des proches. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé à quelqu'un qui s'appelle Jouraïd. Ce Jouraïd était en train de faire la salat Nafila. Et sa mère l'a appelé. Elle a dit, oh Jouraïd. Il lui a pas répondu. Elle a dit, Jouraïd, une deuxième fois. Il a dit, comment je fais? Ma salat ou bien ma mère? Elle a appelé une troisième fois. Elle a dit, Jouraïd. Il s'appelle Jouraïd. Il a dit, Allah, ma salat, là, ma mère, comment je fais? Et il a préféré continuer dans sa salat. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une doua contre lui. Elle a dit, oh Allah, yani en ce sens, oh Allah, donnez-lui une fitna avec les femmes. Donnez-lui une fitna avec les femmes, c'est-à-dire les femmes de joie, pas les femmes de famille. Donnez-lui une fitna avec les femmes de joie. Et, subhanallah, il lui est arrivé un grand malheur que vous connaissez, vous connaissez l'histoire, on l'a dite plusieurs fois, et que, alhamdoulilah, Allah Ta'ala, à la fin, l'a sauvé à cause de son ikhlas. Parce que quoi? Parce que ce qu'il a retenu de sa mère, c'était la prière, c'était une adoration quand même. C'est pour cela que Allah Ta'ala l'a sauvé, après avoir exaucé les doigts de sa mère et lui avoir fait une grande fitna avec une femme. Et le hadith est dans le Bukhari. Al-Mu'im, regardez donc, regardez donc, yani maintenant, si c'est la mère, c'est grave. On ne doit pas faire une nafila si ma père m'appelle, si ma mère m'appelle ou là mon père. Je ne fais pas de nafila, nafila après. Si je ne peux pas après, il y a quoi? Il y a le rattrapage, je rattrape après. Si je ne peux pas rattraper, Allah ghalib. Allah ghalib, ce n'est pas grave, c'est seulement nafila. Naam. Tayyib, ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Batinan wa zahiran. Donc vous voyez, on revient à ce qu'avait dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit que les gens de la sunna et de la jama'a suivent les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui est caché, wa zahiran, et en ce qui est apparent. Lorsqu'il a dit en ce qui est caché et en ce qui est apparent, Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah explique. Il a dit, le caché et l'apparent sont des choses relatives. Sont des choses relatives. Il a dit, ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم. Il a dit, par exemple, on va dire apparent, yani apparent, par rapport à ce qui apparaît aux gens. Et on va dire caché par rapport à ce qu'on fait nous, entre nos âmes, notre conscience. Ou bien il a dit, on va dire ظاهرا في الأعمال ظاهرا, apparent dans les actes apparents, وباطنا في أعمال القلوب, et caché dans les actes du cœur. Il a dit par exemple, مثلا, التوكل, توكل, الخوف, la crainte, الرجاء, l'espérance, الإنابة, le fait de revenir vers Allah, المحبة, l'amour d'Allah Azza wa Jal, وما أشبه ذلك, et يعني, ce qui est en ce sens, هذه من أعمال القلوب. Celles-là, les qualités qu'on vient de citer, les actions qu'on vient de citer, ce sont des actions du cœur. Car c'est avec le cœur qu'on fait le tawakkul. C'est avec le cœur qu'on a peur. C'est avec le cœur qu'on espère, qu'on revient vers Allah, qu'on aime Allah. Tout ça, c'est avec le cœur. Il a dit, les gens de la sunna suivent le messager d'Allah aussi dans ces choses qui sont cachées. Ce n'est pas seulement dans les apparences et mettre le qamis et dire Alhamdulillah, je suis Ahl Sunna ou Jama'a. Mais il faut suivre aussi le messager d'Allah dans les choses cachées comme celles qu'on vient de citer. Et dans les choses apparentes comme salat par exemple. Salat, c'est apparent. Il y a le fait de s'asseoir, le fait de s'incliner, le fait de faire la prosternation. Aussi dans l'aumône, c'est très apparent. Le hajj, c'est apparent. Le siyam, c'est apparent et c'est caché. Il a dit, et tout ça rentre dans les apparences. Ensuite, il a dit, thumma i'lam. Ensuite, sache que les traces du messager d'Allah, alayhi sallam, la sunna, se divise en trois groupes. Et nous on dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait un cours spécialement pour diviser et montrer quelles sont les différentes sunan du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, différentes sortes de sunan. Et si vous vous rappelez très bien, on les a divisées en six. Non, car quand quelqu'un suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir d'abord quelle sunna, de quelle sunna en est-il. On avait dit qu'il y en avait six sortes, et que chaque sorte, bien sûr, on lui a donné ses exemples et on lui a donné son jugement. On ne va pas refaire ça, c'était un cours spécialement en cela. Mais si vous voulez, on va juste yani, réviser comme ça très vite pour dire que les six sortes sont celles qui suivent. La première, Djibilla. Djibilla, on a dit que lorsque le messager d'Allah fait des choses yani de nature, dit Billah, comme le fait de dormir, manger, nam, aller aux toilettes, etc. Dans ces choses-là, yani il n'y a pas d'imitation. On ne peut pas imiter le messager d'Allah. On va dire, s'il est allé manger, je vais aller manger. S'il est allé dormir, je vais dormir. Non, pourquoi? Parce que s'il est allé manger, il a faim. Et peut-être moi, je n'ai pas faim. S'il est allé aux toilettes, peut-être qu'il veut faire cette chose. Et moi, je n'ai pas envie de faire cette chose. Et comme ça. Donc, dans les choses de nature, on ne suit pas. Il n'y a pas de suivi. Non, dans une autre chose. Non, dans une autre chose. Elle va venir, inshallah ta'ala. Ensuite, la deuxième, l'ada. L'ada. Yani l'habitude. Suivre le messager d'Allah dans l'ada. Dans ses habitudes. Et là, si vous vous souvenez très bien, on avait dit que suivre le messager d'Allah dans ses habitudes, c'est suivre, yani, voilà, suivre les gens dans nos habitudes, nous. C'est-à-dire, si au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient l'habitude de s'habiller d'une certaine façon, par habitude, alors nous, pour qu'on suive le messager d'Allah dans l'habitude, il faut qu'on s'habille de la façon dont les gens avec lesquels on vit, s'habillent. Sauf si la manière dont ils s'habillent est interdite en islam. Sauf si la manière dont ils s'habillent est interdite en islam. Et on a parlé aussi des cheveux. On avait dit, au temps du messager d'Allah, alayhi wa sallam, il y avait l'habitude que la plupart des hommes, sinon tous, avaient les cheveux longs. Et que ça rentrait dans l'habitude et ça ne rentrait pas dans la sunna. C'est pour ça que les savants ont dit que ce n'est pas de la sunna de nos jours à un homme de laisser pousser ses cheveux. Non, c'est parce qu'on a dit la règle que dans notre société maintenant, les hommes ne laissent pas pousser les cheveux. Sauf bien sûr, certaines catégories spéciales. Donc bien sûr, nous, on ne va pas les suivre. Et la troisième sorte, si vous vous rappelez, on avait dit de teshahi, le désir. On avait dit que le message de l'Aïssalam, des fois, désirait une chose et qu'il est possible que nous, on ne la désire pas. Comme par exemple, il désirait beaucoup manger les courgettes. Et que moi, personnellement, qui vous parle, n'aime pas les courgettes. Et je n'aime pas aussi quelque chose... Comment ça s'appelle quelque chose qui est... Moi, je la... Attends. Je la compare. Si je la compare. Yani, elle ressemble pour moi. Elle ressemble un peu à une souris. Comment qu'elle s'appelle? Elle est violée. Violette. Quelque chose comme ça. De violet. Qui a une petite queue. L'aubergine. Voilà. Les aubergines. Ah, les aubergines. Je les aime parce que Allah l'adim. Les aubergines et les courgettes. Mais les savants ont dit, si tu manges la souris violette, non, si tu manges une chose que le messager d'Allah a mangé, même si tu ne l'aimes pas, ça va accroître ton amour en lui. Non. C'est pour ça que Anas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'aimais pas les courgettes. Mais quand je voyais le messager d'Allah en manger, quand je mangeais avec lui, l'en manger, il a dit, j'ai commencé à les manger. Et non, juste pour yani, suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que même moi, bidna ta'ala, quand on me donne par exemple des courgettes ou là dans le couscous, ou là, même si je n'aime pas les courgettes, yani, j'en goûte pour ne pas yani, contrarier la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et quatrièmement, les choses que le messager d'Allah fait par ittifaq. Ittifaq, c'est-à-dire yani, c'est venu comme ça. Et faire, je donne un exemple. Le messager d'Allah, par exemple, est en train de voyager. Il arrive dans un endroit, c'est l'heure de la salat, c'est l'heure salat d'or, par exemple. Il descend et il va devant un arbre, par exemple, et groupe les gens, ils font salat d'or, par convenance. Non. Les savants ont dit, ils sont unanimes, les compagnons sont unanimes pour dire que en cela, il n'y a pas de suivi. Pourquoi? Car le messager d'Allah n'a pas choisi cet endroit pour faire salat al-dhar. Mais quand il est arrivé à cet endroit, c'était salat al-dhar. Donc il n'est pas descendu spécialement pour cet endroit ou là dans cet endroit. Donc, il n'est pas de la sunna si je vais en voyage sur le même trajet qu'a fait le messager, alayhi salatu wassalam. Si j'arrive à l'endroit où il a fait salat al-dhuhr, je vais dire, il a fait ici salat al-dhuhr, donc j'arrête ici, je fais salat al-dhuhr. Non, ça rentre pas dans la sunna. Si c'est l'heure de salat al-dhuhr et tu es arrivé là-bas, non, masha'Allah, yani c'est tombé comme yani au temps du messager d'Allah. Mais si tu vas dire, je vais là-bas spécialement, non, ça ne rentre pas dans la sunna. Non, sauf tous les compagnons sont unanimes à dire cela. Il y avait seul un seul qui s'appelle Ibn Omar. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar Mukhtab, c'était le seul qui, yani, n'était pas d'accord avec cette règle et qui voulait suivre le messager d'Allah dans toute chose. Même si le messager d'Allah allait uriner devant un arbre, il allait lui choisir où se trouve cet arbre et uriner au même endroit où a uriné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il reste deux choses et on a dit aussi que maintenant, il y a des choses que le messager d'Allah a faites spécialement pour lui, des exceptions, comme le fait de se marier avec plus de quatre, ou bien le fait de pouvoir se marier avec une femme sans lui donner la dot, ou le fait de pouvoir se marier avec une femme sans le tuteur, et comme ça. Ça, ce sont des choses propres à lui. Et aucune personne dans le monde n'a le droit de limiter en ces choses. Ce sont des choses exceptionnelles. Et enfin, sixième chose, on avait dit, yani suivre le messager d'Allah dans l'adoration. Dans l'adoration, dans salat, dans zakat, dans ceci, c'est des choses obligatoires quand l'adoration est obligatoire et conseillée quand l'adoration est conseillée. Non. Quant à la première sorte avec laquelle j'avais commencé, et ce que j'appelais le djibbillah, c'est-à-dire les choses naturelles comme le fait de manger, de boire, etc. Les savants ont dit, maintenant, si la chose qu'on veut manger ou la chose qu'on veut boire ou la chose avec laquelle on va s'habiller a été interdite par la religion, il faut bien sûr ne pas transgresser. Si le message de Allah a dit que on ne doit pas manger telle chose, par exemple, là on ne doit pas s'habiller de telle chose ou telle couleur, on ne va pas dire que ça rentre yani, dans la nature ou là ça rentre dans l'habitude et que ça ne fait rien, on l'a fait. Non, pourquoi? Parce que tu as des textes qui t'interdisent de manger ou là de boire ou là de t'habiller de telle et telle chose ou bien façon. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, rentre aussi dans le comportement des gens de la Sunna le fait, comme on a dit tout à l'heure, de suivre les traces du messager d'Allah et aussi ittiba' sabili sabiqin al-awwalin min al-muhajirin ou al-ansar. Il a dit, ça rentre aussi le fait de suivre qui? De suivre ceux qui nous ont devancés, les précurseurs. Il parle de qui les précurseurs? Il a dit l'awwalin, les tout premiers. C'est qui les tout premiers? C'est les compagnons. C'est les compagnons. Ce sont les premiers à avoir embrassé l'islam. Il a dit, min al-muhajirin ou al-ansar. Des muhajirin et des ansarites. Les muhajirin, c'est qui? C'est celui qui a quitté la Mecque pour Médine. Au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a quitté la Mecque pour Médine, on l'appelle un muhajir. Et quiconque vivait à Médine et a accueilli les muhajirins qui sont venus de la Mecque, celui-là on l'appelle ansari. Ansari. Pourquoi ansar? Ansar, ça veut dire ceux qui se sont alliés et ont aidé d'autres. Ils ont aidé qui ici? Ils ont aidé les muhajirins qui ont fait la hijra. Muhajir, ça vient de hijra. Non. Cheikh Ben Othaymin l'Ahmoud dit, pourquoi doit-on suivre yani, les compagnons et entre autres les muhajirons et yani, les émigrés et les auxiliaires? Pourquoi doit-on les suivre? Il a dit, innama كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب والحق من بعدهم. Il a dit parce que ceux-là, ces gens-là, ces compagnons, n'am, sont beaucoup plus proches de la vérité et du juste comparé aux autres qui sont venus après eux. Est-ce que nous, par exemple, nous connaissons la vérité et nous connaissons l'islam mieux que les compagnons? C'est pas possible. Les compagnons ont vécu avec le messager d'Allah, alayhi sallam. Ont vécu, yani, subhanallah al-azim, il était entouré, il était, alayhi sallam, il était entouré d'eux. Ils se voyaient matin et soir. Ils ont entendu de leurs propres oreilles, de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi sallam. Yani, il est impossible que quelqu'un vienne après eux et connaisse l'islam mieux qu'eux. Ça, c'est impossible. Il a dit, plus on approche, il a dit d'abord le contraire, plus on s'éloigne de l'époque de la prophétie et plus on s'éloigne de la vérité. Et plus on approche de l'époque de la prophétie et plus on approche de la vérité. وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أقرب بالحق. Il a dit c'est pourquoi plus on est soucieux de connaître la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des califs bien guidés, plus on est très proche de la vérité et du vrai din. Naam. Pourquoi? Il a dit wa lihada tara ikhtilaf al-ummati ba'da zaman an-nabi ba'da zaman as-sahabati wa at-tabi'in akthar intisharan wa ashmal li jami' al-umur. Il a dit c'est pour ça tu remarques la divergence de la umma. Naam. Et disons son dispersement, naam, vous le trouvez plus grand après l'époque des Sahaba et l'époque des Tabi'in. Naam, subhanallah al-azim. Alors que, autant des compagnons, s'il y avait des ikhtilaf, bien sûr, il y avait des ikhtilaf, il y avait des divergences, mais elles étaient minimes. Elles étaient minimes et elles étaient, subhanallah al-azim, très restreinte, on pouvait les compter. Il y a ikhtilaf dans telle chose, est-ce que Allah Ta'ala, yani, on va le voir, yani, est-ce que le messager d'Allah a vu Allah Ta'ala pendant l'ascension, il ne l'a pas vu. Une chose, est-ce que cela, yani, ça se compte, c'est très minime. Mais maintenant, si on allait compter, qu'est-ce qu'il y a de divergence, yani, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, yani, il faut écrire des livres seulement dans les divergences. C'est pour ça qu'il a dit, plus on est près et proche du temps des compagnons, plus le din, notre religion, est plus, disons, juste, plus vrai, plus pur. Naam. Plus on s'éloigne du temps des compagnons, plus il y a quoi? Il y a des choses qui ont été ajoutées au din. Il y a des bid'a qui ont été ajoutées. Et il y a des choses qui ont été aussi retranchées. Des choses ont été retranchées au din. Subhanallah al-Azim. Naam. Ensuite, il a dit le fait de suivre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, n'am, et de suivre leurs traces, il a dit yu'addi ila mahabbatihim, cela mène vers leur amour. N'am. Vous ne voyez pas, vous ne remarquez pas que plus on aime quelqu'un, plus on voudrait l'imiter aveuglément. Vous ne voyez pas comment les fans là, comment qu'ils imitent aveuglément yani leur ce qu'ils appellent eux leurs idoles. Celui-là, il s'habille exactement comme Michael Jackson, comme lui, yani, il laisse pousser ses cheveux comme lui, la même coiffure que lui, blouse en cuir comme lui, les lunettes comme lui. S'il pouvait, yani, il se ferait changer en lui s'il pouvait, yani, plus on aime une personne, plus on voudrait quoi? On voudrait l'imiter dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon de vivre. Non, on voudrait être une photocopie d'elle. D'où, vous l'aurez compris, d'où l'interdiction en islam de vivre avec les kuffars. Pourquoi? À force d'être avec eux, on commence petit à petit à quoi? À les imiter. On vit avec eux, on parle comme eux, on a les mêmes manières, Ensuite, on commence à les imiter dans la façon de parler, la façon de vivre, la façon de s'habiller, la façon de manger, parce qu'on vit avec eux, on est une même société. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à les aimer. Et si on va commencer à les aimer, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va changer de dîn, on va changer de religion. Non, mais on va suivre la religion de celui qu'on a aimé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, par exemple, je vous disais, si vous vous rappelez, je vous ai dit, est-ce que quand on fait la dawa, est-ce que c'est pareil qu'on la fasse à un homme simple dans la rue ou alors à un président de la République? Je vous ai dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la personne qui est importante dans la société, si par exemple elle rentrait dans ton dîn, c'est pour ça qu'il faut avoir, il faut qu'elle ait un statut spécial dans la dawa. Si elle rentre dans le dîn, imagine combien de gens elle va faire rentrer avec elle. Regardez par exemple seulement un exemple très simple. Par exemple, un grand chanteur, par exemple, comme Youssef Islam, qui s'appelait autrefois Cat Stevens. Par exemple, lorsqu'il est rentré en islam, disons, peut-être 80% de ceux qui l'aimaient follement sont aussi rentrés en islam. Qu'il l'ait montré ou qu'il ne l'ait pas montré, eux. Peut-être qu'ils l'ont gardé en cachette là. Mais quand on aime une personne, on la suit en tout. Quitte à la suivre dans son dîn, même s'il est faux. Subhanallah. C'est pour ça que le messager d'Allah lui-même donnait beaucoup d'importance, yani, disons, dans la dawa aux grandes têtes de Quraysh. Les grands kofars, il leur donnait de l'argent, dans le sens, dans le but de les exhorter à rentrer en islam. C'est pour ça qu'en islam, il est permis de donner de la zakat, hein, à ces gens-là, ces grands kofars, dans le but de les faire épancher leur cœur vers l'islam. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Il a dit, Cheikh Ben Othaymeen Rahmou, il a dit une chose, c'est là où on va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, il a dit, خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول هم رجال ونحن رجال لا يبالي بخلافهم. نعم il a dit يعني أهل السنة والجماعة suivre les compagnons et en les suivant ça donne quoi? Ça mène vers leur amour, ça mène vers leur amour. Il a dit contrairement à ceux qui ne sont pas soucieux de cette chose, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas suivre les compagnons. Non. Et comme certains qui disent, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Non. Qui c'est? Qui c'est Abdullah ibn Omar? C'est un homme, je suis un homme. Qui c'est Othman ibn Affan? C'est un homme comme moi. Non. Lui, il fait des efforts, moi, je fais des efforts. Non. Qui disent comme ça? D'abord, la race maudite de qui? Des Rawafid, qu'on appelle de nos jours les chiites, comme Nasrullah. Les savants l'appellent Nasrullah, lui il s'appelle Nasrullah de Liban, mais les savants l'appellent Nasrullah, c'est-à-dire que il défend Nasrullah, il défend pas Allah subhanahu wa ta'ala ou la sondine, il défend Lett, c'est une déesse, que suivaient les kuffars, une statue. C'est pour ça que les savants l'appellent Nasrullah. El Mohim, ceux-là, ils insultent les Sahaba. Ils disent que ce sont des kuffars, Allahu Akbar. Abu Bakr, Omar, Othman Ali, ce sont des kuffars, naam. Qu'est-ce qu'on dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et demain, inshallah ta'ala, on va les rencontrer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'on les rencontre. Naam, si quelqu'un peut ne pas se présenter ce jour-là, qu'il ne se présente pas, qu'il s'absente ce jour-là. Ce jour-là, Allah Ta'ala va nous montrer qu'est-ce qu'il va faire de ceux-là, les maudits. Ceux qui ont insulté, ils ont fait kafar qui? Les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Naam. Ensuite, viennent en deuxième position, viennent qui? Viennent les khawarij, les takfiri. Les khawarij qui ont tué les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Naam. Comme une fois, je discutais avec un takfiri de nos jours, un khariji de nos jours. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois. Je lui ai dit, quand tu dis toi que celui qui ne juge pas avec l'islam est kafir, naam, d'après, comme tu prétends toi, d'après l'apparence du verset. Car le verset a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَ اللَّهِ فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Il a dit, ce sont des kofars, mais il a dit aussi Zalimoun, il a dit aussi Fasiqoun. Pourquoi tu as choisi seulement Kafiroun, tu ne choisis pas Zalimoun et Fasiqoun? Alors que Zalimoun et Fasiqoun, ici, ça ne veut pas dire Kuffar. Comme, bien sûr, ils vont essayer de vous faire croire. El Mouhem, tu lui dis toi, toi, c'est un Tekfiri, je parlais avec Tekfiri, tu lui dis toi, tu dis que le verset ici, il est sur son apparence, c'est-à-dire celui qui ne juge pas, il n'a pas d'excuse, il est Kafir. Bien. Abdullah ibn Abbas, n'est-ce pas le cousin du messager d'Allah, n'est-ce pas lui que le messager d'Allah a enlacé entre ses belles mains et il a fait une doua à Allah Ta'ala, il a dit Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faites de Abdullah ibn Abbas qu'il soit un savant dans le din et apprenez-lui l'exégète du Coran. Ta'wil, apprenez-lui comment il explique le Coran. Alors celui-là, tous les savants de nos jours, même les compagnons, sont unanimes de dire qu'il n'y a pas plus savant que lui dans le tafsir. Alors celui-là, il a dit, en expliquant ce verset, il a dit, ce n'est pas le coffre que vous croyez, vous, mais c'est le petit coffre. Et dans une autre version authentique, il a dit, ce n'est pas le coffre, ici dans le verset, ce n'est pas le coffre qui fait sortir de l'islam. C'est le petit coffre, c'est tout. Tu lui dis, toi tu connais l'islam, tu connais le verset et son sens, mieux que Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Tekfiri Mskin, le chien de l'enfer, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, je suis le Coran et la Sunna. Allahu Akbar, moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis le Coran et la Sunna. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit, ça veut dire que Abdullah ibn Abbas ne suit pas le Coran et la Sunna. Ça veut dire toi, le petit chien qui a juste, ça fait juste quelques jours que tu as commencé à aboyer, tu as déjà, subhanallah, tu comprends le verset mieux que Abdullah ibn Abbas, et toi, mashallah, tu suis le Coran et la Sunna, et lui, donc, il ne suit pas le Coran et la Sunna. Donc, lui, il tire des choses de sa tête. Subhanallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, Allah al-musta'an, tout ce qu'on dit. Non. Il a dit, Cheikh ibn Uthaymeen, il a dit, maintenant, il y a des gens qui, lorsque tu leur parles des sahaba, ils te disent, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Chacun a ses efforts. Comme ça, ils disent, yani, sans avoir honte d'Allah Azzawajal et de ses anges qui nous entendent. Comme ça, tu n'as pas honte, tu dis que de Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Omar ou Uthman ibn Affan, tu dis de lui c'est un homme et moi je suis un homme. Chacun a ses efforts. Naam, subhanallah al-azim. Subhanallah, des gens, des compagnons qui ont donné leur vie. Bien, combien de compagnons sont morts pour que ce din t'arrive? Combien de compagnons ont donné leurs enfants, fils Abillah, leurs femmes, leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Ils l'ont donné, ils ont souffert, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi, ils n'ont rien fait de ce qu'on fait nous, de voyage et de plaisir et de jeu et de rien. Juste pour que yani, ce din t'arrive à toi, toi qui es là, derrière le PC, qui es en train de siroter un jus, ou là un thé chaud, n'am, et mashallah, ils t'ont ramené cet islam, yani, ils te l'ont mis dans une cuillère, ils te l'ont approché de ta bouche. Tu ouvres seulement ta bouche et tu prends la cuillère. Subhanallah al-Azim. Regardez, yani, la grâce que Allah Ta'ala leur a donnée. C'est pour ça qu'il y a un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, authentique, qui dit, il dit, Wallah, si l'un de vous dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela n'équivaudrait pas yani, une poignée yani, qu'un sahabi donnerait. Il a dit wala nasifahu, et même pas une moitié d'une poignée. Une poignée, c'est joindre les deux mains. Maintenant, enlève une main et avec une seule main comme ça, un compagnon va donner avec une seule main comme ça, il va donner une main pleine de blé, et toi tu vas donner une montagne d'or, lui il a plus de récompense que toi. Naam. Toi, mashallah, tu t'es réveillé, tu as trouvé tout prêt. L'islam est là devant toi, avec ses livres, avec ses femmes, des aqidat, tafsir, hadith, usul, tout est prêt dans des tomes et des tomes. Tu ouvres et tu lis, et tu apprends et tu appliques. Alors que Il faisait des mois et des mois de voyage pour un seul hadith. Comme l'a fait un sahabi radiallahu ta'ala anhu, si je ne me trompe pas, si Jabba, si je ne me trompe pas, ou la Ounis, il a fait un mois de voyage pour ramener un seul hadith, pour écouter une personne dans un hadith. Il a fait un mois de voyage, exactement 30 jours, pour arriver dans la ville où il y avait quelqu'un qui connaissait un hadith. Il est allé chez lui, il lui a dit, on m'a dit que tu connaissais tel et tel hadith, yani, dis-le-moi. Il lui a dit, voilà, le messager d'Allah a dit que Yawm al-Qiyamah, ceci et cela. Ensuite, il a enlacé, il est parti. Un mois de voyage pour écouter un hadith. Subhanallah al-Azim. Je m'arrête, inshallah ta'ala, ici. On va passer, inshallah ta'ala, dans cinq questions. Bi'idna azawajal. Pour... On va commencer les réponses, inshallah ta'ala. Je suis dit, il y a des compagnons qui sont partis déborder pour apprendre un hadith. Ils sont faits morts par des chiens. Sont faits morts par des chiens, attention, ce n'est pas les chiens de l'enfer. Ce n'est pas les takfiris, ce sont les vrais chiens qui les ont mordus. Naam. Inch'Allah ta'ala, dans 5 ou 10 minutes, on se rencontre. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.